Des ombres allongées passaient sur le trottoir. C'était l'heure où le ciel s'apprête à revêtir son grand habit noir. La fin d'une journée, l'envie de te revoir. Des minutes infinies s'égrenaient lentement dans mon café noir. Mais tout autour de moi résonnait le silence. La maison était vide, ou plutôt quand j'y pense, pleine de ton absence. J'ai vu la nuit tomber sans un bruit, sans un mot. Et tu n'étais pas là, j'avais le cœur chaos. De café en café, tout est devenu noir. La nuit par la fenêtre, les idées dans ma tête, je ne peux rien voir. Tant d'années à s'aimer, à écrire notre histoire. Et ce matin encore, ta voix dans l'escalier me dit à ce soir. Alors pourquoi soudain faut-il que tout ça change? Pourquoi avoir ainsi vidé mon existence, trahi ma confiance? Je voudrais te promettre des lendemains plus beaux. Mais toi, tu n'es pas là, j'ai le cœur en lambeaux. Quand la nuit repliera ses derniers étendards, que claqueront déjà les premiers pas pressés sur le grand boulevard, je serai toujours là, assis, les yeux hagards, à espérer encore la chaleur de ton corps, le feu de ton regard. Songerai-je au mépris, la haine ou la vengeance? Sonnerai-je au beffroi de mon orgueil blessé, l'heure de la revanche? Je voudrais simplement te dire ces quelques mots. Mais tu ne seras pas là et j'aurai le cœur gros. Tu ne seras pas là. J'aurai le cœur haut. Tu ne seras pas là.